connexion peut se briser. Je peux la remettre en marche avec des billets. La Rolex m'indique plus son taille. Elle ne me donne plus l'air comme toi. On fera des films en voile. On fera des films en voile. Mykonos, elle veut se wake up. Pour avoir cette vie là, il faut que je work up. Mais pour t'aimer, il faudra du temps. Même loin de toi et tes yeux, je resterai loyal. You are non, non, non, non, non. No, no, no, no, no, no, no, no, yeah. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Te consommer sans nuire, payer ma gasoline. Dans les draps, je veux que nos cœurs se lient. Je comblerai tes insomnies. Orly, je reviens pas cette année. Loin d'ici, babe, faut qu'on s'installe. Orly, je reviens pas cette année. Loin d'ici, babe, faut qu'on s'en aille. Elle veut d'un vrai OG qui l'épaule. Je serai le number one de ton cœur. Elle nous voit fly dans la rarie. Je veux que toi, surtout ne me dis pas. Oh non, non, non, non.